Amen. Let's take this little chorus, petit refrain qu'on chante souvent. Hosanna, Hosanna. Aujourd'hui, c'est le jour de Hosanna, n'est-ce pas? All right. Shall we go? Pourquoi vous êtes comme ça? Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Opportunité de nous réunir encore une fois devant ton Saint Trône. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour le salut. Merci pour ton pardon. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons encore recevoir une parole de toi. Que ta parole puisse nous transformer, Seigneur. Que nous puissions accepter que te suivre n'est pas facile. Que te suivre demande des sacrifices. Que te suivre demande la perte de certaines choses. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour voir et nos oreilles pour entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Nous te bénissons, nous te louons. Et nous crions Hosanna ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. You may be seated. What's happening? Hallelujah. Est-ce que tous les micros sont éteints? Amen. Wow. Où est tout le monde aujourd'hui? C'est le message qui fait peur. Ce matin, quand je réfléchissais, je pensais un peu à la journée, au message. Je me demandais, mais l'évêque d'Agde, il est très courageux de choisir un tel sujet. C'est un message qu'on prêche le soir, tu sais, aux gens sérieux, ceux qui sont vraiment engagés dans la foi. C'est pas un message de dimanche où tout le monde vient à l'église. N'est-ce pas? Parce que tout le monde vient à l'église les dimanches. Tout le monde. Même ceux qui ont quitté le lit de James Bond sont à l'église par habitude les dimanches. Mais ceux qui viennent les mercredis assister au culte, on dirait qu'ils sont un peu plus sérieux. Regarde ton voisin, dis, toi, tu es un chrétien de dimanche ou un chrétien de tous les jours? Alléluia. Amen. Ok, nous allons continuer le message. Amen. Ouvrez vos livres aux pages 25. Qui n'a pas le livre? Qui ne sait pas de quoi nous parlons? Alright. Donc, nous avons commencé une nouvelle série de messages sur la vie chrétienne. Alléluia. Nous sommes en train de recevoir la nourriture des grands. On a dépassé l'étape de lait. En tout cas, pour les semaines à venir, si tu es encore enfant spirituel, il faut t'efforcer de mâcher un peu la viande. Tu sais, les enfants, même quand ils n'ont pas de dents, ils arrivent à faire du mal à maman. Quand ils décident de serrer les gencives là, c'est pas facile. N'est-ce pas? Donc, un bébé sans dents aussi peut faire mal. Peut aussi enjoyer de la viande. Alléluia. Dis à ton voisin, accroche-toi. Ça va chauffer. Alléluia. Amen. Le message ou la série, oui, le livre qu'on utilise pour enseigner, c'est ce livre. Un livre vert. Comme Barak. L'uniforme de Barak. Je disais à elle puis à cause que nous sommes, c'est dimanche de Ramon, n'est-ce pas? Ça précède la crucifixion. J'ai dit que Barak a crucifié le champ comme ils ont crucifié Jésus-Christ. Un beau champ comme ça. Ah, mais pourquoi? Quand vous chantez bien, on le dit, mais aujourd'hui là, c'était pas facile. Amen. Amen. Moi, je sais pas chanter, mais quand les gens ne chantent pas aussi, je sais. Amen. Donc, nous sommes en train d'apprendre comment perdre, souffrir, sacrifier et mourir pour Jésus-Christ. Amen. Sujet puissant. Hey, si tu arrives à recevoir ce message, tu seras un bon chrétien. Amen. Je vous le promets. Vous serez des chrétiens solides. Des chrétiens qui vont arriver jusqu'au bout. Vous allez atteindre la maturité. Amen. Si vous acceptez. Si vous ne triez pas, vous prenez ce qui vous arrange et ce qui ne vous arrange pas, vous laissez. Il faut tout prendre parce que tout ça, ça vient de la parole de Dieu et c'est la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes... Qui veut une copie? En fait, tu ne dois... Il ne faut pas vouloir. Tu dois avoir une copie. Ça coûte 5 Ghana Cedis. Un livre qui coûte normalement 20 Ghana. Aujourd'hui, on vend ça à 5. Je voulais augmenter le prix, mais j'ai décidé d'être gentil. Vous donnez l'argent et vous prenez un livre. Ça, c'est pas crédit. Ici. But don't you want in English? You want in French? For someone. Fred. Vous ne commencez jamais du devant. I don't know why. Et quand les gens du devant veulent, c'est fini. Why? Quand les gens viennent tôt, ils viennent devant. Ceux qui sont derrière ne sont pas sérieux. Et vous commencez, en tout cas, ils ont besoin de ça plus que ceux de devant. I'm joking, hein? Ceux qui sont derrière. Je plaisante. Il ne faut pas être fâché contre moi. Amen. Vous savez que je vous aime, n'est-ce pas? Oh, it's finished. How can it be finished again? Hey. Vous voulez acheter pour quelqu'un? C'est fini. Merci. I don't know how we'll get more. Cette fois-ci, je ne sais pas. Abelengbe, maybe they'll have some. Ok, on verra. C'est fini. Ok, il faut prier. Mais ça existe toujours en anglais, si vous voulez. Hein? All right. Ouvrez à la page 25, chapitre 4. La semaine passée, on a vu les quatre rendez-vous, n'est-ce pas? Et aussi comment endurer ou comment perdre pour Jésus. On a aussi vu l'art de perdre en semaine. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là mercredi, on a déjà fini le chapitre 3. Aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre 4. OK? Il y a deux façons de perdre. Qui a déjà perdu quelque chose pour le Seigneur? Peut-être une relation, une amitié, un petit copain, une petite copine, l'amour de ta vie, un business plan, des projets, des rêves d'enfance. Et aujourd'hui, nous allons encore découvrir qu'il y a deux manières que vous pouvez perdre. Une, c'est volontairement. OK? Et deuxièmement, c'est malgré vous-même, on vous enlève. By force. De toutes les manières, il y aura une perte. C'est comme quelqu'un qui donnait un discours, il donnait un discours quelque part et il voulait donner un exemple. Il a dit, comme Jonas a avalé le gros poisson. Et puis les gens disent, oh! Il a dit, comme le gros poisson a avalé Jonas. Il hésitait encore, il dit, comme Jonas a avalé. Lui-même, il voyait qu'il était confus. Il a dit, en tout cas, quelqu'un a été avalé. Il y a eu un avalement. There was a swallow. Il y a eu un avalement. Que ça soit Jonas qui a avalé ou poisson a avalé ou il y a eu un avalement. Si vous donnez ou vous perdez quelque chose, entre guillemets, volontairement, ou on vous enlève, il y a une perte. Et la perte, c'est que vous n'avez plus cette chose. Par exemple, j'ai un iPhone. iPhone 5. iPhone 5S. Qui fonctionne avec le how do you say, fingerprint. L'empreinte digitale. Donc quand j'ai pas envie de toucher le code, je mets mon doigt. Donc si tu veux voler mon iPad, faut voler aussi mon doigt. Forgive. Il y a deux manières par lesquelles je peux perdre ce téléphone. C'est-à-dire deux manières par lesquelles je n'aurai plus le téléphone. Je peux prendre le téléphone et dire, Gaston, tu as un iPad, iPhone? Non. Tu veux? Il dit oui. Donc tu vas prendre aussi mon doigt. Je peux donner mon téléphone à Gaston et je n'aurai plus le téléphone et je n'aurai plus de doigt non plus. N'est-ce pas? je peux lui donner. Ou bien, quelqu'un peut voler le téléphone. Dans les deux cas, je n'ai plus de téléphone. Vous comprenez? Yeah. Donc, il y a deux manières de perdre. Parfois, Dieu nous demande de faire certains sacrifices, de perdre certaines choses. Certaines acceptent. Certaines personnes acceptent de le faire. Mais certaines personnes ont du mal à le faire. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Ils finissent par perdre cette chose. Ça peut être un petit ami. Souvent, quand les gens se marient, surtout les femmes, elles veulent préserver à tout prix leur petite famille. Parce qu'elles rêvent depuis leur jeunesse de se marier un jour avec leur prince charmant et d'aller vivre dans leur petite maison meublée, petite table à manger. Elle rêve de préparer pour son mari. À midi, il va revenir du boulot. Il va s'asseoir derrière la table. Il y aura une petite fourchette, petit couteau, cuillère à deux, face à face. Les yeux dans les yeux. Et elle va dire, chérie, et ta journée? Il a dit, oh, fatigant, mais je suis content de te voir. Oh. Oh, chérie, je m'excuse, je préparais vite, le riz est un peu brûlé. Il dit, oh, chérie, ça va. C'est pas grave. Juste de voir me suffit. Je suis rassasiée. Je suis déjà rassasiée. Chérie, mon amour. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. Dit quelqu'un qui est marié depuis 6 mois. C'est un rêve. Ce rêve-là disparaît vite. Donc, pour préserver cette petite vie ou cette image tant rêvée et désirée, elle fait tout pour garder. Et si son mari dit, chérie, Dieu m'a appelé. Hein? Dieu t'a appelé comment? Et il t'a appelé pourquoi? T'a appelé pour faire quoi? Tu vas faire ça où? Avec qui? Et sans parler, parfois, elle décourage le mari. Hein? Dieu t'a appelé pour aller où? Au Tchad. Hein? Et nos enfants? Vont aller à l'école où? On va payer comment? On va vivre comment? Elle n'a pas dit il faut pas partir. C'est juste une question qu'elle a posée. Pourquoi? Parce qu'elle veut préserver cette vie. Et parfois, en voulant préserver ou garder, on finit par perdre. Ce petit copain que tu dois quitter, tu ne veux pas. Le jour où il va te dire, chérie, je crois que Dieu n'est pas dans notre relation. Tu vas dire, quoi? Quoi? Tu vas te souvenir de ce message. Qu'il y a deux manières de perdre. Ou tu donnes volontairement, par l'obéissance, ou on vous l'enlève carrément. Amen. Jean 10, 17 et 18. Puisque nous avons tous des livres, on va lire. Let's go. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Quand vous voyez en majuscule, c'est pour mettre l'accent. Donc vous criez. Hein? Amen. Let's start again. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. Alléluia. Amen. Personne m'enlève ma vie. Ça, c'est l'erreur que Ponce Pilate a fait. Il a dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir. Hein? Tu dis quoi? Tu rêves ou quoi? Il dit, je donne ma vie. Et parce que je donne ma vie, le Père m'aime. Yeah. Amen. Jésus-Christ était l'exemple parfait de quelqu'un qui a perdu volontairement. Il a perdu sa place au ciel pour descendre sur la terre. Cette terre que les gens ne veulent pas quitter. Pour quelqu'un d'autre, c'est une, how do you say, demotion, une rétrogradation. Parce que si tu es élevé, on vous demande de descendre. C'est pas une promotion. C'est une chute. When you go to work, quand tu es au bureau et tu fais une bêtise, et on te demande de descendre deux grades, c'est une rétrograde, c'est pas une chute. Quand je dis le mot correct, vous dites le mot qui est incorrect. Je sais que rétrogradation, it's a demotion. Ok? Pas une chute. On te chute dans le bureau. Alléluia. Amen. Donc, quitter le ciel pour venir sur la terre, c'est une rétrogradation pour Jésus-Christ. Yeah, parce qu'il avait un trône. Si tu es sur une trône, tu es roi. Et tu viens sur cette terre, tu es un petit humain. Yeah. Il y a beaucoup de personnes qui veulent rester sur cette terre, absolument à tout prix. Quelqu'un dit, mais si tous les chrétiens croient que le ciel est meilleur, pourquoi des gens ne se suicident pas pour y aller? Pour aller rapidement, tu dors. Tu dors. Hey. Si tu dors ici, hein, le soir, tu vas voir. Amen. Mais il y a une grande différence entre donner sa vie et perdre sa vie. Il y a une grande différence. Le résultat est le même, mais il y a une différence. Jésus dit, parce que je donne ma vie, le Père m'aime. Mais si le Père est obligé de te ôter la vie, l'amour ne serait pas si fort. Il a dit, cet enfant est têtu, je vais l'enlever. Yeah. Quand ma fille allait à l'église, je lui ai dit, aujourd'hui, là, quand le pasteur est en train de prêcher, écoute très bien le message. Et demande-toi, qu'est-ce que je dois perdre? Qu'est-ce que je dois souffrir? Qu'est-ce que je dois sacrifier? Je dois mourir à quoi? Ma fille. Parce que le message... Si vous comprenez ce message et vous acceptez le message, vous serez un chrétien à part. Vous serez différent des autres. Je crois que ce message est le message le plus important. Après le message du salut, ça là, c'est important. Amen. Nous devons nous enlever de la tête que être en Christ, c'est la joie, c'est le paradis. Seulement. Let me be specific. Seulement. Le message de souffrance, de sacrifice, de perte doit faire partie intégrale de la vie chrétienne et le message de Jésus-Christ. Yeah. Pour trouver l'équilibre. Yeah. On ne peut pas parler de la joie sans parler des larmes. Même en Ecclésiaste, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Are you there? Give me Ecclesiastes 3 from verse 1. Il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour Ecclésiaste et un temps pour Jean. Hey! It's okay, let's go on. Amen. Matthieu 10, verset 39. La Bible dit, celui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la retrouvera. Ça, c'est le mot clé ou les mots clés. À cause de moi. Faut pas aller faire n'importe quoi et dire, Jésus, tu m'as demandé de perdre. Et puis, t'as pas demandé de perdre ce que tu as perdu. Amen. Il dit, à cause de moi. Pas à cause de toi. Ou à cause de tes humeurs. Tu es dans une relation avec un bon chrétien. Et tu dis, je veux servir Dieu, donc à cause de Jésus, je vais te... Jésus t'a pas demandé de rompre avec lui. Mais parce que tu as vu quelqu'un d'autre. Tu dis que c'est... Et je suis prêt à te perdre parce que il y a un autre à gagner. Toi, tu n'as pas perdu à cause de Jésus, tu as perdu à cause de toi-même. Parce que tu as vu ailleurs. Yeah. What a shock. Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent voit le mal venir et se cache. C'est-à-dire que si tu es prudent, si tu es sage, il y a certaines choses que tu ne dois pas vivre avant de prendre une décision. Tu dois voir le mal venir. Tu dis non. Si je continue sur ce chemin, sur cette voie, je vais finir comme les autres qui ont pris ce chemin. Si je donne les exemples, certains exemples, c'est pas parce que j'ai envie de vous faire rire, c'est parce qu'il y a ce sont des choses vraies qui se sont passées. Ce sont des choses que les gens ont vécues. Tu vois que toutes les filles qui ont sorti avec des hommes mariés n'ont pas fini par épouser ces hommes. Mais tu veux suivre ce même chemin. Tu dis, toi tu es différent. Moi, il m'aime. Moi, je sais que c'est sérieux. Moi, je sais que sa femme est une sorcière. Je sais que sa femme n'est pas bonne. Elle le fait souffrir. Pour moi, c'est différent. L'homme prudent voit le mal venir et se cache. Amen. Tu n'es pas prêt à perdre cette relation dont tu trouves toutes les excuses possibles, pour garder. Tu sais que tu ne dois pas prendre ce travail dans une boîte de nuit. Dieu ne dit pas ça, c'est seulement 2 heures par jour. Il dit pas ça, c'est seulement 2 fois par semaine. Il dit pas ça, c'est seulement les week-ends. J'ai besoin d'argent, sinon je suis obligée d'aller encore voir mon petit ami James Bond. Ça, c'est le choix que j'ai. C'est pas vrai, tu as encore un choix. Tu ne dis pas ça, si je ne prends pas ce boulot, je vais faire comment? Combien ici savent que Dieu ne voudra pas que tu travailles dans une boîte de nuit? Donc si le choix qui te reste entre sortir avec un homme marié, c'est de travailler dans une boîte de nuit, sachez qu'il doit y avoir un troisième choix. Amen. Il y a une expression qu'on utilise en anglais qui dit, tu es entre un rocher et un endroit difficile. It's like you're between a rock and a hard place. Okay? I don't know if you have something like that in French. Entre le marteau et l'enclume. Hey, what is enclume? C'est quoi? Ah, hey. Toi, tu connais enclume, toi. Tu connais enclume. Oui, toi. Tu connais. Je te pose une question. Être entre le marteau et l'enclume, c'est pas toujours le cas. Il y a un moyen de s'échapper. Dieu, la Bible dit que Dieu nous donne toujours un moyen de s'échapper. Il y a toujours un moyen. Alléluia. Mais perdre, c'est obligatoire. C'est pas quelque chose que vous pouvez échapper. À laquelle vous pouvez échapper. Amen. Je veux que vous compreniez. Alléluia. Que la vie chrétienne n'est pas pour les enfants. C'est pas un jeu. Yeah. C'est pas pour les faibles. Faibles de cœur. Yeah. C'est pour les forts, les costauds. Quand tu vois les gens te taquiner, oh, toi, tu es chrétien, là, vous ne valez rien. Ah, vous les chrétiens, vous ne... You just look at him and say, tu ne connais pas, c'est pourquoi tu pars. Tu ne connais pas, c'est pourquoi tu pars. Tu sais pas combien c'est difficile. Combien ça demande une force intérieure. Une volonté de faire. Si tu veux être un bon chrétien. Yeah. Une volonté de faire qui peut dire non. J'ai envie, mais non. Je ne vais pas le faire. J'ai même très envie. J'ai même très, très envie. Mais je ne vais pas le faire. Il y a des gens qui disent, non, ne dis pas ça. Si non, quelque chose de terrible va m'arriver. Hey! Rien de terrible va t'arriver. Yeah. La chose la plus terrible qui peut t'arriver, c'est que Dieu te dit, sœur, c'est fini, je ne te veux plus. Ou je ne te connais pas, ou je ne t'ai jamais connu. Ça, c'est la chose la plus terrible qui pourrait arriver. Amen. Et croyez-moi, si vous vous reniez, ou vous vous refusez quelque chose à cause de Christ, rien de terrible va t'arriver. Amen. Tu dois être prêt à perdre. Qu'est-ce que tu vas perdre pour Jésus-Christ? Judas, tu vas perdre quoi? Yeshua! You've changed your name. Yeah. Marianne, tu es prête? Si Dieu dit non, tu es prête. Ça allait. Amen. Yeah. C'est facile à dire oui, oh oui, c'est vrai. Il dit pas c'est vrai. Preach. Mais face à la décision. Tu as prié la volonté de Dieu. Tu as demandé, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et tu vas. Tu avances un peu. La porte est fermée. Tu avances, tu comptes. La porte est fermée. Ça ne bouge même pas un peu. Tu comptes, tu dis, Seigneur, fais quelque chose. Tu fais... La porte est fermée. Casser la fenêtre. Ou tu vas accepter que... Peut-être Dieu ne veut pas. Que tu... C'est ça que tu dois perdre. Hey, Les femmes. Tout le monde veut se marier. Et quand tu te maries, tout le monde veut un enfant. Wow! Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi de te marier? Oh, mais Dieu dit, des projets de bonheur. Lady Pastor, là, le mariage, c'est bon. Tu n'as jamais parlé avec quelqu'un qui a eu un mariage terrible. Beaucoup d'entre nous viennent des mariages, des familles brisées. Très brisées même. Yeah. L'évêque a dit une chose, il dit, le mariage est vraiment mystérieux. Parce que quand tu vas à un mariage, et puis on dit, voici la mariée, tout le monde se lève, et puis ils échangent les vœux, dit, ok, maintenant tu peux saluer ta femme ou ton épouse. Tout le monde est content. Même ceux qui vivent une vie de mariage terrible, qui sont sur le point de divorcer, celui qui a été battu par son épouse le matin même. Tout le monde est content, tout le monde est souriant. Pourquoi? Parce que le mariage est beau. Tout le monde oublie ses problèmes. Mais le problème est là. Donc, c'est pas tout le monde qui se marie qui est heureux. Mais vous n'allez pas me croire. Dieu, mais parce que si je me marie avec un chrétien, ça va aller. Oh, tu n'as jamais entendu parler d'un chrétien qui tape bien même, correctement. Il ne rate pas. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Ou un chrétien qui a trompé son épouse. Tu n'as jamais parlé de ça. Yeah. Donc, c'est pas tous les mariages qui sont heureux. Peut-être tu es en train de... Il veut t'épargner de quelque chose. Bon, Lady Pastor. Lady Pastor, don't go there. T'es fier à quoi, hein? Lady Pastor, don't go there. I shouldn't go there because you are not ready to lose. Et Lady Pastor, c'est parce que tu es marié, c'est pourquoi tu vas... Ok. No problem. Si tu viens, nous, on va vous marier. On va mettre le col. On va être devant. On va décorer la salle. We'll be happy for you. Quand le vent va souffler, la tonnerre. Nous sommes là. Par la grâce de Dieu, j'aurai un bureau juste à côté. Tu vas juste cogner. Il dit, Lady Pastor. C'est pas possible. J'ai dit, oh ma chérie, assieds-toi. Ça allait. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, oh. Yako. Yeah. C'est parce que tu n'es pas prêt à perdre. On lui dit pas, je suis prêt à perdre, mais pas ça. Il dit pas, je peux perdre, mais pas ça. Hey! Jolie petite fille comme toi, si Dieu dit ne te marie pas. Mais non, Dieu n'a pas parlé. Ça, c'est le diable. Je reconnais la voix du diable. Arrière de moi, Satan. Je te lis. Te menace au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Dieu dit, ne te marie pas. Ne dis pas ça. Yeah. Je ne sais pas quelle femme va accepter tranquillement que Dieu ne veut pas que je me marie. Ok. Ça aille. Oui. Il a des projets de bonheur pour moi. Pour moi, le bonheur n'est pas le mariage. Ok. J'accepte. Hey. Yeah. Dis pas ça, je veux bien, oui, je suis prêt à perdre. Perdre quoi? Hein? Tu dis quoi? Tu es sûr que Dieu t'a parlé? Tu es sûr que tu as entendu la voix de Dieu? Tu es sûr que c'est moi? Waouh! Qu'est-ce que Dieu te demande de perdre? Qu'est-ce que N'oubliez pas qu'il y a deux manières de perdre. Ou tu donnes ça volontairement, Fred. Ou bien il t'enlève ça. Jeune homme, Dieu dit, c'est pas le moment de te marier. Ou il dit, c'est le moment de te marier. So, Lady Pastor, je dois d'abord terminer mes études. Après, je vais trouver un boulot. Et après le boulot, un peu d'expérience quand même, un ou deux ans. Je vais servir Dieu. Eh, on dirait on s'en faut pas. Looking like an on s'en faut pas. Eh. Tu vas te marier quand tu auras 35 ans. Eh. Tu auras 6 enfants avec 7 femmes. Avant l'âge de 35 ans. Parce que tu ne veux pas te marier. Certains d'entre vous, vous devez vous marier tôt. Vous devez vous marier tôt. Amen. Toi, tu te connais. Si tu ne te maries pas tôt, quand tu seras sur le point de te marier, tu verras que les choses ne fonctionnent plus. The hydraulics have stopped working. What a shock. Yeah. Do you know hydraulics? What is hydraulics in French? What is hydraulics in French? She said hydraulics, when you have a machine and then you press something and then you see it's going up. That these les gros camions qui creusent là, ça fonctionne par les moteurs, hein, les moteurs hydrauliques. Ah, so why are they making as if they don't understand hydraulics? It's the same word. Yeah, les moteurs hydrauliques ne vont plus fonctionner. Vous connaissez moteur hydraulique. Si tu ne te maries pas tôt, et tu dis que tu vas te marier à 35 ans, 36 ans, tu seras choqué de voir que les moteurs hydrauliques ne fonctionnent plus. What a shock! L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Hein? Tu es prêt? Vraiment? À peine? C'est ta guerre. Yeah. Brother, la perte, c'est obligé. Mais comment tu vas perdre? C'est ton choix. Tu vas donner ou on te l'arrache. Il y aura une perte. On arrache. Yeah. Difficile à comprendre. Difficile à accepter. Mais c'est la réalité. Tu dis la vérité à celui que tu aimes. Et si quelqu'un t'aime, la personne sera capable de dire, ma sœur, le parfum que tu utilises là, c'est pas bon pour toi. Ça, c'est la personne qui t'aime. La personne ne t'aime pas, elle va dire, oh, ça va. Oui, ça peut aller. Récemment, j'étais avec ma fille à un restaurant, c'était son anniversaire. Et à la table d'à côté, il y avait des filles qui avaient pris une table, 5 ou 4 filles comme ça. La robe qu'une des filles a portée. Hey! La fille, déjà, elle et moi, je crois que je suis plus mince. la mini-jupe qu'elle portait, je crois que ma robe est... I'm telling you. Hey! Des dresses. LP, I don't want to swear, but lady pastor, I'm not telling a lie. It was not higher than this. La robe. Pas le haut, la robe. Ça dépassait à peine la culotte. Jeremy, am I lying? Il était là, il a vu. It was terrible. Vraiment terrible. Moi, je suis une femme. J'étais choquée, j'étais dégoûtée. J'étais déçue. J'ai demandé au responsable, j'ai dit, est-ce que vous n'avez pas de code? Dressing code in this hotel. J'étais scandalisée. I said, you don't have a dressing code, dress code in this place. Oh. Terrible. Un hôtel international. Oh. J'avais honte. Ce qui était pire encore, c'est qu'elle était avec ses amis. Avec ses amis. En tout cas, je crois qu'elles étaient amies. Elles marchaient ensemble. Ton ami ne peut pas te dire, oh, this one, yeah, no fine. Tu n'as pas d'amis. Et j'ai pitié de toi. Ton ami ne peut pas te dire, écoute, on a décidé d'être sérieux ensemble à l'église. Arrête ce que tu fais. Récemment, il y a eu un jeune couple comme vous là. Voulait vivre ensemble. Et après avoir écouté la parole, ils étaient touchés, ils étaient frappés. Et leur conscience leur parlait. Ils ont décidé de se séparer, de vivre séparément. Vous savez qui les décourageait? Les amis de l'église. Oh, vous allez payer deux fois le loyer. Oh, vous allez... In the church. Yeah. In the church. Pas à l'extérieur. Pas les amis de classe. Les amis de l'église. Parce que nous ne sommes pas prêts à perdre. Donc quand toi tu décides de perdre, tes amis vont te décourager. Thank you. L'homme prudent voit le mal. Si tu as un ami qui ne te dit pas la vérité, cache-toi. Cache-toi. C'est pas une amie. Ce n'est pas une amie. Elle ne peut pas dire que ta robe est trop courte, trop serrée. C'est pas une bonne amie. La Bible dit malheur à ceux qui disent what is it? Peace, peace, when there is no peace. Paix, paix, quand il n'y a pas de paix. Ils disent, oh, c'est bon, c'est ok. Quand ils savent que c'est pas ok. Donc, je suis obligée de te dire que tu vas perdre, Bertin. Tu vas perdre. Hey, are you ready? Faut pas me détester parce que je te dis que tu vas perdre. L'église est presque vide, peut-être à cause du message, peut-être pas, je ne sais pas, mais il faut pas me haïr parce que je suis prête à vous dire ou à nous dire que nous devons, moi aussi je dois perdre. Je ne dis pas une chose pour vous et puis pour moi je dis, Seigneur entre toi et moi, tu sais que moi je suis de ton côté, hein. Non. Pour être ici, j'ai dû perdre certaines choses. Et je sais qu'il y a encore des pertes qui m'attendent. Hey! Ma prière, c'est seulement Dieu. Quand je suis face à la chose que je vais perdre, il faut que Dieu fasse moi grâce de pouvoir accepter, de pouvoir reconnaître. Je ne vous demande pas de prier, il faut prier. Paul a prié. Seigneur, enlève ça, enlève. Jésus-Christ, il a prié. Il dit, Seigneur, oh God, en tout cas, cette coupe-là, je suis pas sûr. Il a prié. Une fois, deux fois. Prier. Il faut prier. Trois fois. Mais quand tu pries, l'évêque a dit ça récemment, quand tu pries pour une chose, trois fois, et ça ne change pas, Commence à accepter la volonté de Dieu. Commence à accepter. C'est qu'il y a des gens qui vont prier deux fois. Quand ils voient qu'il n'y a pas de réponse, ils vont dire, troisième prière là, je ne vais pas le faire. Juste au cas où. Praise and worship. Hey, pretty girls, look at them. Whoosh. Est-ce que quelqu'un ici est marié? Ici? Elles ont peur de dire non. Marié? Pas encore. Marié? Pas encore. Pas encore. Non. Non, pas encore. Non. Non. Non. Non, pas encore. Wow! Serez-vous prête à perdre? Brothers! Hey. Wow! Vous êtes prêts à perdre quoi? Terry! Le Maroc. Yeah. Accepte. Je ne vous mens pas quand je dis qu'il y a quelque chose que tu vas perdre. Que ça soit volontaire ou on vous l'arrache. Everybody's quiet. Tout le monde a peur. Yeah. Il faut commencer à changer votre manière de penser. Ça ne veut pas dire que tu vas tout perdre. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te marier. Les gens commencent à avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut faire confiance en Dieu. Dire, Seigneur, même si ce que je perds, c'est ce que je ne voulais pas perdre. Je sais qu'à la place, ce que tu vas me donner sera encore meilleur pour moi. Ça, c'est la confiance que vous devez avoir en Dieu. Mais Jérémie 29, 11, aujourd'hui, dans quelques instants, pas demain, car je connais. Dieu dit, car je connais. Toi, tu connais ton avenir. Tu as des projets pour ta vie. Est-ce que tu sais, tu connais, tu sais que ça va marcher. Tu es sûr que ça va. Tu n'es pas sûr. Mais Dieu dit, moi, je connais. Tu connais les projets. Et quand Dieu dit, je connais, lui, il connaît. Toi, tu ne connais pas, ma sœur. Tu espères, mais lui, il connaît. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il a déjà formé ses projets. Irene, je connais les projets. X, Y, c'est en place. Maggie, ABC, en place. Josiane? C'est Josiane. What's your name? Morissette. Josiane is you. Sorry. Morissette. A, B, C. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de malheur et non de paix. Oh, mais je vois malheur, je vois paix. Projet de malheur et pas de paix. Je connais les projets que j'ai formés. Projet de malheur et pas de paix. Why are you saying no? Est-ce que vous ne voyez pas malheur sur l'écran? Est-ce que vous voyez la paix sur l'écran? Et est-ce que vous voyez je connais les projets? Donc pourquoi vous dites non? Dites quoi? Je ne vois pas bien. C'est la version qui n'est pas bonne. Mais on dirait que c'est ce que la Bible est en train de dire. Projet de malheur et pas de paix. Alors pourquoi vous avez peur? Ou vous faites confiance en Dieu ou vous ne faites pas confiance? Ou vous croyez sa parole ou vous ne le croyez pas? Ah! Projet de paix! Tu cherches quoi? Pas la paix. Bonheur. Si il dit projet de paix et non de malheur, ça veut dire que c'est projet de paix et de bonheur. Ou bien, tu cherches quoi? C'est pas la paix et le bonheur. Peut-être le bonheur que Dieu a projeté, préparé pour toi, se présente différemment de ce que tu imagines. Pour toi, ton bonheur, c'est de te marier avec le cousin de James Bond. Pas James Bond, lui, il est voyou, mais le cousin. Ils ont le même ADN, donc il doit être grand, beau, costaud. Ça, c'est le projet de bonheur que tu as imaginé pour ta vie. Mais Dieu sait que si tu te maries avec le cousin, malheur et what is the opposite of peace? Misère qui t'attend. Pour lui, ton bonheur se trouve dans le mariage avec le petit bonhomme qui est à côté, calme comme ça là, en train d'étudier sa Bible. Il n'a pas la taille, mais il a le feu. Il ne pourra pas te porter entre comme ça. Mais les démons tremblent quand il ouvre la bouche. Il est grand de taille en esprit. Yeah. Mais ton image de bonheur est différente de ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi tu peux marcher juste à côté de ton bonheur comme ça. Juste comme ça. Oh, je cherche bonheur, bonheur. Bonheur, tu es où? J'ai cherché, cherché. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Mais il est où? Il est là. Tu es juste passé par. Tu es passé par. Tu n'es pas prêt à perdre l'image de bonheur que tu as pour toi-même. That's the truth. L'image de bonheur que j'ai. Je connais des jeunes qui sont venus par ici disant non, bonheur c'est aller jouer au football en Europe. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où? C'est l'idée de bonheur que tu as. L'idée de bonheur que tu as. Je vais gagner beaucoup d'argent, je vais payer ma dîme. What time is it? J'ai payé ma dîme. Parce que ton image de bonheur, c'est ça. Mon image de bonheur se trouve à Paris. Champs-Élysées. C'est mon idée de bonheur. Paris. Pour certains, c'est le Maroc. Et certains, c'est le Paris. Récemment, un de nos frères, il a voyagé, il est à Paris. Je vois les images Facebook. Ah, waouh, on dirait, ça marche. J'ai dit, look at you people. Est-ce que tu as pris le temps de demander, est-ce que tu as trouvé une bonne église, frère? Est-ce que tu as demandé, tu pries? Tu as demandé, j'espère que tu n'as pas oublié ton Dieu. Mais tout ce que tu vois, c'est Paris by night, Paris par jour. Donc c'est le bonheur. Il doit être dans le bonheur. Il doit être content. Il doit être. Ou bien? Yeah, that's because of the mind you have. Have you asked? Il y a une jeune petite fille qui était à la chorale, qui est partie en France. Je suis sûre que beaucoup étaient jaloux. Oh, tu es chanceuse. Et moi aussi, quand haut. Tu as demandé si elle a trouvé une bonne église. Elle va bien, elle a trouvé. Mais thank God. Mais ton idée n'était pas pour qu'elle aille trouver une bonne église. Non. La neige. Oh, le jour où je verrai la neige pour la première fois, je vais faire un bonhomme, petit bonhomme de neige, je vais prendre des photos. Ouhou. Ma fille, elle a rêvé de neige, mais quand le froid a frappé là-bas en Ukraine, elle dit, hey, mamie, it's cold, oh? It's cold, oh? Elle dit, ah, c'est ça. C'est ce que tu voulais. Projet de bonheur. Le bonheur. Sisters, votre image de bonheur, est-ce que c'est la même image que Dieu a formée là? C'est déjà fait depuis le commencement du temps, avant que tu aies été formé. Il savait ce qui devait te rendre heureux, ce qui te t'épanouir. Il savait. Toi, maintenant, tu es toujours en train de te chercher. Tu es en train de te chercher. Oh Seigneur, j'ai 22 ans maintenant, personne n'est venu encore. Quand est-ce que moi aussi, oh Seigneur, moi aussi, quand est-ce que moi aussi je vais trouver mon bonheur? Yeah. Moi aussi Seigneur. Tu es toujours là en train d'aider les autres à se marier, décorer la salle, préparer à manger, à préparer à servir. Oh Seigneur, quand est-ce que quelqu'un va me voir aussi? Oh Seigneur, moi aussi je prépare bien. Oh Seigneur, oh. On dit, ah, je te vois, samedi, ton samedi arrive. Ouais! Ton samedi arrive. Waouh! Perdre pour Jésus. Qu'est-ce que tu vas perdre pour lui? Qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour lui? Think about it! Tu vas perdre? Volontairement ou arraché. Ah ben, Lady Pastor, la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Donc moi, je serai violent. Je vais prendre mon bonheur par force. Lady Pastor, je vais jeûner. Lady Pastor, je vais lier. Lady Pastor, je vais... Ok, no problem, no problem. Tu me never know, go ahead. Mais quand tu continues à cogner ta tête, si c'est pas le marteau, c'est l'écume. Et pas le marteau, c'est l'écume. Quand tu auras suffisamment mal à la tête, tu vas faire demi-tour et dire Seigneur, pardon, fais-moi grâce. Je veux connaître tes projets pour ma vie. Alléluia. Je suis prêt à perdre. Levez-vous. Amen. Commencez à prier, à remercier Dieu. Dis Seigneur, je ne veux pas forcer ta main. Je veux être heureux, mais je ne veux pas perdre ta volonté. Je ne veux pas quitter ta volonté pour ma vie. Seigneur, j'ai des projets, c'est vrai, mais les projets que toi tu as formés sont meilleurs pour moi. Fais-moi grâce, Seigneur, d'accepter ta volonté pour ma vie. Ouvrez votre bouche et priez et demandez la grâce de Dieu. Oh Seigneur, merci, merci pour ton amour. ton amour parfait. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour la paix que j'ai dans mon cœur par rapport à ta volonté pour moi. Je suis prête à perdre, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu vas me demander de perdre, mais je sais que ta volonté pour moi, tu as des projets pour moi, des projets de paix et non de malheur. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Je mets ma foi en toi. Je crois en ta parole. Seigneur, fortifie-moi dans l'homme intérieur. Fortifie-moi, Seigneur, pour accepter ta volonté pour ma vie. Merci pour la vérité. Merci, Seigneur. Je te bénis. Je te remercie. Au nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour toi ce matin. Si tu es là, tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. Tu ne sais pas si tu meurs aujourd'hui, si tu iras en enfer ou au ciel. Mon frère, l'enfer est réel. Si tu es ici et tu ne sais pas si tu es né de nouveau, si tu ne sais même pas si tu es chrétien. Être chrétien n'est pas seulement venir à l'église, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, je veux prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux vivre avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux être ton enfant. Si tu es là comme ça, tu veux faire cette prière, s'il te plaît, lève la main. Lève la main droite, je vais prier pour toi. Tu veux inviter Jésus-Christ dans ta vie. Merci, derrière, je vois la main. Lève la main. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La Bible dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ça veut dire que tu n'es pas né sauvé. Tu deviens sauvé, tu es sauvé. Donc aujourd'hui, si tu as levé la main pour recevoir la prière, que Dieu vous bénisse. Fais-moi encore une chose. Viens vers moi, viens devant. Je veux prier pour toi. Viens. Viens, je veux prier pour toi. N'aie pas honte, n'aie pas peur. C'est juste la prière. Nous allons simplement prier. Oh, soyez bénis. Merci. Seigneur, prends tout. Fais ce que tu voudras de ma vie. Je veux t'inviter. Oh, Seigneur, merci. Venez, venez, venez. Merci. Alléluia. Nous allons prier ceux qui sont devant. Vous avez pris une très bonne décision. Alléluia. Il y a encore quelqu'un? Ok, venez. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner, de nous donner une nouvelle chance. Alléluia. Amen. Je vais vous demander, ceux qui sont devant, fermez les yeux, nous allons prier. Demandez à tout le monde de participer à la prière, s'il vous plaît. Répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir parlé aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai péché contre toi. Mais ce matin, je demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Fais de moi une nouvelle créature. Seigneur Jésus, s'il te plaît, change mon destin. Je veux vivre avec toi pour l'éternité. Fais ce que tu voudras dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre et je vais te servir. À partir d'aujourd'hui, je te donne le contrôle de ma vie. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accepté tel que je suis. Maintenant répète après moi, dites Satan, écoute-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. Je ne te suivrai plus. C'est fini entre toi et moi. Il n'y a plus de lien entre toi et moi. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir pardonné. À partir d'aujourd'hui, je te servirai. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort? Félicitations. Un instant. Voyez. Come forward. Voyez la sœur Liane. Elle aimerait vous parler. Juste une minute. Suivez-la. Elle va vous dire un mot. Et après, vous allez gagner vos places. Merci. Alléluia. Vous la voyez petite comme ça, mais elle n'est pas aussi petite que ça. Alléluia. Asseyez-vous. God bless you all.